Livre 9e, chapitre 6. Suite de la clé de la porte rouge. Cette nuit-là, la Esmeralda s'était endormie dans sa logette, pleine d'oubli, d'espérance et de douces pensées. Elle dormait depuis quelque temps, rêvant comme toujours de Phébus, lorsqu'il lui sembla entendre du bruit autour d'elle. Elle avait un sommeil léger et inquiet, un sommeil d'oiseau, un rien la réveillait. Elle ouvrit les yeux. La nuit était très noire. Cependant, elle vit à sa lucarne une figure qui la regardait. Il y avait une lampe qui éclairait cette apparition. Au moment où elle se vit aperçue de la Esmeralda, cette figure souffla la lampe. Néanmoins, la jeune fille avait eu le temps de l'entrevoir. Ses paupières se refermèrent de terreur. « Oh ! » dit-elle d'une voix éteinte. « Le prêtre !» Tout son malheur passé lui revint dans un éclair. Elle retomba sur son lit, glacée. Un moment après, elle sentit le long de son corps un contact qui la fit tellement frémir qu'elle se dressa réveillée et furieuse sur son séant. Le prêtre venait de se glisser près d'elle. Il l'entourait de ses deux bras. Elle voulut crier et ne put. « Va-t'en, monstre ! Va-t'en, assassin ! » dit-elle d'une voix tremblante et basse, à force de colère et d'épouvante. « Grâce ! Grâce ! » murmura le prêtre, en lui imprimant ses lèvres sur les épaules. Elle lui prit sa tête chauve à deux mains par son reste de cheveux et s'efforça d'éloigner ses baisers, comme si c'eût été des morsures. « Grâce ! » répétait l'infortuné. « Si tu savais ce que c'est mon amour pour toi !» C'est du feu, du plomb fondu, 1000 couteaux dans mon cœur. » Et il arrêta ses deux bras avec une force surhumaine. Éperdue, « Lâche-moi !» lui dit-elle, « ou je te crache au visage !» Il la lâcha. « Avilis-moi, frappe-moi, sois méchante, fais ce que tu voudras, mais grâce, aime-moi !» Alors elle le frappa avec une fureur d'enfant. Elle raidissait ses belles mains pour lui meurtrir la face. « Va-t'en, démon ! Aime-moi ! Aime-moi, pitié !» criait le pauvre prêtre en se roulant sur elle et en répondant à ses coups par des caresses. Tout à coup, elle le sentit plus fort qu'elle. « Il faut en finir !» dit-il en grinçant des dents. Elle était subjuguée, palpitante, brisée entre ses bras, à sa discrétion. Elle sentait une main lascive s'égarer sur elle. Elle fit un dernier effort et se mit à crier « Au secours, à moi ! Un vampire, un vampire !» Rien ne venait. Djali seule était éveillée et bêlée avec angoisse. « Tais-toi !» disait le prêtre haletant. Tout à coup, en se débattant, en rampant sur le sol, la main de l'Égyptienne rencontra quelque chose de froid et de métallique. C'était le sifflet de Quasimodo. Elle le saisit avec une convulsion d'espérance, le porta à ses lèvres et y siffla de tout ce qui lui restait de force. Le sifflet rendit un son clair, aigu, perçant. « Qu'est-ce que cela ? » dit le prêtre. Presque au même instant, il se sentit enlevé par un bras vigoureux. La cellule était sombre, il ne put distinguer nettement qui le tenait ainsi. Mais il entendit des dents claquer de rage, et il y avait juste assez de lumière éparse pour qu'il vît briller au-dessus de sa tête une large lame de coutelas. Le prêtre crut apercevoir la forme de Quasimodo. Il supposa que ce ne pouvait être que lui. Il se souvint d'avoir trébuché en entrant contre un paquet qui était étendu en travers de la porte en dehors. Cependant, comme le nouveau venu ne proférait pas une parole, il ne savait que croire. Il se jeta sur le bras qui tenait le coutelas en criant « Quasimodo !» Il oubliait en ce moment de détresse que Quasimodo était sourd. En un clin d'œil, le prêtre fut terrassé et sentit un genou de plomb s'appuyer sur sa poitrine. À l'empreinte anguleuse de ce genou, il reconnut Quasimodo. Mais que faire? Comment de son côté être reconnu de lui? La nuit faisait le sourd aveugle. Il était perdu. La jeune fille, sans pitié, comme une tigresse irritée, n'intervenait pas pour le sauver. Le coutelas se rapprochait de sa tête. Le moment était critique. Tout à coup, son adversaire parut pris d'une hésitation. « Pas de sang sur elle !» dit-il d'une voix sourde. C'était en effet la voix de Quasimodo. Alors le prêtre sentit la grosse main qui le traînait par le pied hors de la cellule. C'est là qu'il devait mourir. Heureusement pour lui, la lune venait de se lever depuis quelques instants. Quand ils eurent franchi la porte de la logette, son pâle rayon tomba sur la figure du prêtre. Quasimodo le regarda en face. Un tremblement le prit. Il lâcha le prêtre et recula. L'égyptienne qui s'était avancée sur le seuil de la cellule vit avec une surprise les rôles changer brusquement. C'était maintenant le prêtre qui menaçait, Quasimodo qui suppliait. Le prêtre, qui accablait le sourd de gestes de colère et de reproche, lui fit violemment signe de se retirer. Le sourd baissa la tête, puis il vint se mettre à genoux devant la porte de l'égyptienne. « Monseigneur, dit-il d'une voix grave et résignée, vous ferez après ce qu'il vous plaira, mais tuez-moi d'abord. » En parlant ainsi, il présentait au prêtre son coutelas. Le prêtre, hors de lui, se jeta dessus. Mais la jeune fille fut plus prompte que lui. Elle arracha le couteau des mains de Quasimodo et éclata de rire avec fureur. « Approche !» dit-elle au prêtre. Elle tenait la lame haute. Le prêtre demeura indécis. Elle eut certainement frappé. « Tu n'oserais plus approcher, lâche !» lui cria-t-elle. Puis, elle ajouta avec une expression impitoyable, et sachant bien qu'elle allait percer de mille fers rouges le cœur du prêtre. « Ah, je sais que Phébus n'est pas mort !» Le prêtre renversa Quasimodo à terre d'un coup de pied et se replongea en frémissant de rage sous la voûte de l'escalier. Quand il fut parti, Quasimodo ramassa le sifflet qui venait de sauver l'égyptienne. « Il se rouillait !» dit-il en le lui rendant. Puis, il la laissa seule. La jeune fille, bouleversée par cette scène violente, tomba épuisée sur son lit et se mit à pleurer à sanglots. Son horizon redevenait sinistre. De son côté, le prêtre était rentré à tâtons dans sa cellule. C'en était fait. Dom Claude était jaloux de Quasimodo. Il répéta d'un air pensif sa fatale parole. « Personne ne l'aura !»